il a reçu sa nouvelle voiture il y a pas très longtemps et trois jours après, toute neuve la voiture, il l'a crachée. C'est à lui-même. Ouais, mon père, ah, il c'est différent. Là, ah c'est... oui. Voilà, c'est un champion. Une auto-flagellation. Voilà, c'est ça. Mon père, il m'appelle en galère, genre je suis à l'hôpital. Ah c'est vrai. J'ai eu un peu peur, ouais. Mais c'est vrai, tu vois, il est rigolo au téléphone, mais quand même, ouais, ça fait peur. Il l'a craché trois jours après. D'accord, d'accord. Donc, voilà. Et ben, l'inauguration de la voiture. Tu l'as vu la voiture en vrai? Jamais. Non, il y a les photos de l'assurance qui doit m'envoyer là. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour se cracher? En fait, il s'est pris à un camion qui transportait des voitures. Il y a une roue de voiture qui est tombée sur la voiture de devant et la voiture a pilé. Mon père, il se l'est prise dans le cul. Enfin, ah merde, non, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, mais la voiture est quand même morte. Ah merde, c'était quoi comme voiture? Une Mercos. Il a eu pour le travail. Une Mercos. Une Mercedes. Ah, j'aime du standard, tu as le t-shirt. Ah oui, il a un t-shirt avec marqué dans ma benne. Putain, on est tous connectés. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Hein. C'est vraiment le destin. Cette émission, je sais pas ce qui se passe. Y a pas de hasard. Moi, ça, je peux vous dire un truc, c'est, j'ai rarement vu ça. Hein. Bon, je l'ai, NTM. Ouais, ça, elle est bien. C'est vraiment en deux secondes, en deux claquements de doigts, j'ai ma Benz. C'est le collège de record de Fallon. Salut encore, pas de problème. Salut à toi, ma chérie. Je t'écoute pendant mes révisions pour mon interrogation de mercredi. Ah. Je t'adore. Salut, ma Géraldine. Eh ben, je t'embrasse, ma chérie. Gros bisous. Trop énorme l'ouverture des boîtes qui puent sur le plateau TPP. J'ai regardé des TMO qui sentaient rien. Johanna du 7-8. Salut à toi. Là. Salut, salut. Guillaume et votre message au 612. Est-ce que c'était déjà arrivé comme Samy d'avoir un truc neuf que vous n'avez pas eu la chance d'utiliser? Guillaume et votre message maintenant. Venez nous dire, hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil? Comme j'ai stagiaire, son père qui a acheté une voiture, une Mercos. Ouais. Une Mercos. Il allait au cinéma avec la Mercos. Il sort. Et donc, du coup, est-ce que vous avez déjà acheté un truc, vous n'avez pas eu le temps de l'utiliser, vous l'avez pété direct, on vous l'a volé ou quoi? Guillaume et votre message après DJ Snake et Justin Bieber au 612 sur Énergie le texto. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down.

dans Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez à l'antenne sur Énergie, il est 22h28. Hein. Salut Guillaume. Lui, j'ai un stagiaire, il crache pas des voitures et il se fait cracher dessus dans une voiture. Ça va pas ou quoi? Non. Ah, c'est pas mal ça, c'est bien trouvé ça. Le mari de ma tante a perdu de quoi acheter une maison dans une mallette. Salut Hugo. Oh là là. Mallette. Ah, bah, y en a un qui a trouvé de quoi acheter une maison dans une mallette. Du coup. Ah bah. Putain, c'est horrible comme histoire. Il faut faire attention quand tu retires autant d'argent. Hein. Ah bah oui. Bisous sur les fesses de Johnny Calvici. Oh là là. Julien Stagiaire et à toi Guillaume, salut. Fidèle depuis juillet 2011. Salut Joël et militaire. Salut c'est, à toi. C'est pénible. Hein. Julien Stagiaire, Johnny la Calvici, n'a pas eu la chance de pouvoir se coiffer. Big up à Jean-Marc Mavis, si, à Lunette. Flo Lenny qui a la Zulim. Julien, bisous sur tes fesses. Voilà. Salut Joël et militaire. Salut Joe. Appelle-moi, j'ai une belle fille qui vole, c'est une horreur aussi. Salut Eric. Alors on parle des. J'ai. Alors attends, salut Guillaume. Julien lui. Alors il y a plein de messages sales, je vais les lire après. Non, faut pas les lire. C'est pas un trou du cul qu'il a, Julien Stagiaire, c'est aussi un trou de la couche d'ozone. Salut, trou du cul, salut Babar. Voilà, il y a plein de messages agressifs un peu. Je suis un humain, je mérite le respect. Stagiaire déclenche un peu le. On dirait que je suis une chose. Déclenche un peu les émeutes. Pourtant, j'ai rien fait. Bonsoir du Cantal. Salut, j'avais dit le Cantal. Salut les habitants de Cantal. Cantalois. Moi, le truc qu'on m'a offert à ma naissance et que j'ai toujours pas utilisé, c'est mon cerveau. Si j'ai un stagiaire, c'est ça. C'est énorme. On finit un truc là. Non, ça va. Ah, bien joué, bien joué. Oh là là. Hey, Zao, Zaza, juste après, on se fera Alonso, le nouveau. Ça s'appelle Binta. On s'écoutera en entier là. J'ai vu que vous l'aviez demandé. Il y a pas de problème. Quand vous me demandez un truc, je calme. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon en train de chicha. Le refrain, c'est ça. En fait, elle est mieux quand c'est pas le refrain. C'est dingue. Très drôle les boîtes. Merci Audrey du 68. J'embrasse. Salut Audrey. Salut. Merci. Plaisir d'avoir des messages sympas comme ça. Hein. Guillaume et votre message aussi. 112. J'ai acheté un maillot à 180€ le soir même. Je l'ai déchiré. Calvin du 01. Salut, moi, ça m'est arrivé. Salut au collège NDB Notre-Dame de je sais pas quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un pull et que ma mère ou mon père le lave trop fort et que ça soit rétréci à mort et que je puisse même pas le mettre une fois. C'est la merde. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, JM du standard, qu'est-ce que tu as déjà acheté un truc neuf que t'as pas vraiment eu la chance d'utiliser quoi? Ben moi, c'est la carte bleue en fait, je l'avais déjà perdue et tu sais, il t'en renvoie une avec un code. Ouais. Et en fait, il t'envoie le code à part et moi j'ai perdu le code. Donc j'ai jamais pu me servir de la nouvelle carte qui m'a envoyé. T'as perdu le code ? Non, c'était pas le même justement. J'avais fait opposition. Et pourquoi t'as perdu le code ? Ben je l'ai égaré en fait, le papier je l'ai fait tomber. Mais j'ai égaré, j'ai compris le mot. Hein. J'ai compris le mot perdu. Mais comment j'ai. Il croit que j'ai pas compris égaré. Mais je sais pas, j'ai perdu quoi. Mais le courrier, tu le. Ben je sais pas, je le mets dans ma poche et tout en me disant bon, c'est bon, il est tombé quoi. Ah ouais, tu les perds carrément, d'accord. Donc j'ai refait opposition sur la carte dont je m'étais jamais servi. Ouais. Et au final, ils m'en ont renvoyé une encore. D'accord, c'est très bien. Ah le relou. Le mec, il avait jamais entendu ça, mon banquier. Ah ouais? Perdre le code de la nouvelle carte, il avait jamais entendu. Excuse-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un petit peu comme JM du Standard qui a perdu son code de nouvelle carte avant même de l'avoir utilisé. Il est fort, il est fort. Nathanaël, 22 ans, on va retrouver Nathanaël. Et Nathanaël. Oui. Nathanaël, ça va ou quoi? Nathanaël. Salut Nathanaël. Salut Nathanaël. Enchanté. Salut les gars. Nathanaël. Il manque un i alors. Bon, ça va ou comment? Non, sur ma fiche, il manque un petit i. Enchanté, Nathanaël. C'est toi qui as inventé les yaourts que t'achètes pour te donner bonne conscience et qui pourrissent dans le frigo? C'est vrai. C'est les écoutes arrêtées. Ça va acheter des yaourts, on mange jamais là. Tu bouffes un peu, toi, t'es un gros suceur de lait, toi ou pas? Non, mais genre, tu manges un peu des yaourts, des yogurts? Pas spécialement, non. Non, t'es pas trop. J'ai stagiaire, toi, t'es un. Les yaourts, ouais, j'en ai acheté là en plus. Oh, j'ai stagiaire, il se les verse sur le visage. Comme Valérie Bayard. Ferme les yeux au ralenti. Non. Il écoute une spéciale musique chez lui. Je respecte le yaourt. Il se fait tomber du yaourt goutte à goutte sur le. Oh. En tirant la langue. Ah, je le mange. Et son truc préféré, c'est aller se chercher sur le bout du nez avec sa langue un bout de yop. Je peux pas y aller, attends. Juste déjà, t'arrives à mettre en bouche un truc énorme. Quoi? Attends, genre, moi le plus gros que je puisse me mettre dans la bouche, c'est un M. C'est vrai? T'as un M entier déjà, juste déjà. Ouais, bah souvent je le fais quand je suis en soirée, je mange du M et bam, je le mange en entier. Avec des potes. Non, mais ça va. Quand tu manges chinois, bah un M. Petit. J'aime du standard, gros bouffeur, tu mets beaucoup dans ta bouche, toi en général. Ouais, ça peut m'arriver, les cornets, ouais. Ah, les cornets de glace. Parce que juste déjà, ils pensaient pas. Oh là, qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Ils mangent des chips, ils se foutent. Ouais, ça va. J'ai déjà dit quoi. Ah, et la banane aussi. C'est un gros mangeur de bananes. C'est un bouffeur de bananes. Ah, c'est vrai, mais ça c'est bon. Je te jure, il mange plus de bananes que les singes. C'est pour les vitamines, les bananes. C'est un truc de fou. Attends, à chaque fois que je le vois, il a une banane dans la bouche. J'ai dit, mais là t'es pas en train de croquer. Fait, non, c'est un vrai, parce que ça garde. Et en fait, le mec il marche dans la bouche, là dans la rue. Et ce qu'il aime bien, c'est regarder les hommes dans la rue avec une banane dans la bouche. Allez, je regarde à vue là. N'importe quoi. Il roule une pelle avec la banane. Oh, c'est dégueulasse. Ah là là, putain de merde. Bon, en tout cas, Nathanaël, ça t'arrange pas de déménager juste après le coup de fil parce que tu fais beaucoup de bruit derrière. Si tu peux arrêter de ranger juste 30 secondes, frérot, parce que Ça fait un bruit. Ouais, ça va, désolé, désolé. Non, mais c'est pas grave. Sport, désolé. T'inquiète pas. Tu fais quoi là? Tu faisais quoi? Rentrée du sport, désolé. Ah, d'accord. T'es parti, tu fais quoi comme sport? T'es dans la salle ou t'es où? Tennis de table. Ah ouais, putain, t'es un pongiste. C'est bien comme sport. Ouais, ouais. Exactement. Putain, t'es fort au ping-pong, voilà. Ou t'es un peu genre, t'es lège? Non, je suis bon. Ouais, c'est vrai, ouais. Au JO, il y a un mec qui est fou, là, t'as vu? De quoi? Au Paralympique. Ah oui, il joue sans les mains au ping-pong. C'est pas vrai. Il met la raquette dans la bouche et il joue. Un Égyptien. Il y arrive? Ouais, il a tout perdu, mais il y arrive. Ah ouais, putain, c'est dingue. Mais pour la blague, il s'amuse à ça? Non, c'est un vrai, c'est. C'est vrai, ouais. Mais ça lui sert à quoi de. Bah, il mange la raquette et il joue au ping-pong. Il se jette? Ouais, il se jette. C'est impossible. Et pour servir, il balance la balle avec le pied. Ouais. Donc, il a pas de main, en fait? Non, il est amputé des deux mains. Ah, bah, tu m'expliques pas, voilà. Si, j'ai dit, il a plus de main. Non, t'as pas dit la pute. Ah, pardon. C'était peut-être le truc par lequel t'aurais dit. Non, mais c'est paralympique, j'ai dit paralympique. Ah non, mais t'as dit Jeux Olympiques. Ah, et tu verras au replay, je suis sûr que tu t'es trompé. Non, mais c'est sûr. J'ai vu aux Jeux Paralympiques aussi. C'est un Égyptien. C'est bien, ils sont forts, les mecs. Ah, au ping-pong. J'ai même vu un ninja et tout, qui a pas de bras et pas de jambes. C'est assez impressionnant. Et il met des petits coups comme ça et tout, c'est assez impressionnant. J'aime du standard. Ouais, j'ai vu aussi, il y a un mec, c'était énorme, c'est un nageur. Et le mec, il se gratte le bonnet, il se met le bonnet avec le pied, c'est un truc de ouf, je te jure. Il se met le bonnet. Non, mais les mecs, jure, c'est dingue. J'ai vu ça, j'ai halluciné, ils se grattent l'oreille. Ils ont du courage, les mecs. Ah ouais. Et ça marche encore mieux que les vrais JO. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire. Il y a plus de monde qui va les voir que les vrais. Ah bon? Ouais. Ah, c'est super. C'est beau ça. Ça, c'est bien ça. Flo des cadeaux. Moi, j'ai vu un mec qui a pas de bras non plus et qui fait du tir à l'arc, qui a eu une médaille. Et en fait, le mec, quand il lui a mis la médaille, il a voulu lui serrer la main. Et donc, il y a eu un gros moment de gênance. Là, c'était il y a un ou deux jours. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est putain. Comme avec la flamme. Le mec est tombé avec la flamme olympique. Ah ouais, bah ouais. Là, c'était une fille. Ah, il paraît. C'est pas paraît, bien, ouais. Franchement, c'est pas bien. La flamme paralympique. Ouais, ouais, ouais, c'est la flamme des olympique. Et le mec, il le porte-flamme, il est tombé, quoi. Ouais. On dit un porte-flamme. Non, je sais pas, parce que porte-drapeau, non, porte-flamme. Un allume-cigare. Comment on appelle ça? Le mec, il porte la flamme. Je sais pas. Elle s'est éteinte, la flamme, non? Non, elle s'est pas éteinte. Alors, est-ce que c'est du vrai feu ou pas? Je sais pas. Bah, si, c'est du vrai feu, ça oui. Ça s'est tombé par terre. Non, mais c'est un vrai flambeau. Je pense que c'est technologiquement étudié. Il aurait pu se brûler, le mec, quand même. Je pense que c'est un truc de ouf. Je garde la foi. Je suis le chasseur, t'es la poire. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas utiliser? Donc j'aime du standard, qu'est-ce qui t'est déjà arrivé de pas utiliser? Tu disais la carte bleue donc. La carte bleue, ouais. Hein, c'est ça. Ferme le code. C'était tellement intéressant, j'ai oublié. C'est remarqué, c'est dingue. C'est la monnaie qui dérive le monde. C'est la monnaie qui dérive la vie. Julia, qu'est-ce que t'as eu de neuf? Qu'on t'a offert ou que t'as acheté que t'as pas pu utiliser longtemps? Ah bah alors moi, moi je venais d'avoir mon permis de conduire. Ouais. Et on m'a offert une voiture. Enfin, mon père il m'a offert une voiture, mais c'est une ancienne voiture. Ouais. Et dès que j'ai voulu l'utiliser, donc pour mes premiers kilomètres, ouais. La voiture est complètement tombée en rade au bout de 200 mètres. Peur de toi, il a voulu me faire un cadeau, mais elle marchait déjà plus, la voiture. Ah, donc, c'est une très très vieille voiture. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi comme voiture? C'était genre une 206 ou un truc comme ça. Ah bah ça mais, va. Ouais, non, ouais. Non, ça allait. C'est une 2 chevaux. Après, il y a 206 et 206, ouais. Ça veut rien dire. Ouais, ouais voilà. Tu parles d'une 206 qui a 400 000 km qui a été utilisée par un VRP pendant 10 ans pour faire toute la France qui marche quasiment plus. Et puis voilà. Et alors, et donc tu l'as pas utilisé longtemps? Bah, je l'ai pas du tout utilisée, même parce qu'au bout de deux rues, elle est complètement. Je crois que c'était une blague qu'il me faisait parce que c'était un peu un cadeau empoisonné, quoi. Ouais, surtout une voiture comme ça, après, si tu t'en vas pas au milieu de la route toute seule la nuit. Ça a l'air con déjà. Flo, les cadeaux, déjà, un truc que t'as pas pu utiliser neuf chez toi? Ouais, moi, c'était pas un objet, c'était un animal, un hamster. En fait, on allait le chercher. Utiliser, c'est chelou quand même. Et quand on est arrivé à la maison, il était mort en fait. Le temps du trajet, il est mort. C'est vrai? Ouais, donc on a même pas eu le temps d'en profiter. On se demande pourquoi. Non, c'est bizarre. Ouais. Tu l'as caressé ou... Ah, tu as donné un nom sur le trajet. Bah oui, il a un nom. On l'avait baptisé et puis en arrivant, bah, il était mort. Ça, c'est fort. Hein. Donner un nom sur le petit bout de truc. Non, ouais. Quand on le choisissait, c'est là qu'on l'a nommé. Et pourquoi t'as jamais eu d'explication? T'as jamais fait l'autopsie de. Non, jamais. On est retourné au magasin et bah, on en a racheté un autre parce qu'il nous a dit qu'il pouvait rien faire. Ah ouais, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, tu changes quoi. Je me suis acheté une DS 3D. Je lui ai mis dans mon casier avec un cadenas. On me l'a volé avec les jeux. Avant que j'utilise, j'ai le seum. Salut à toi là. Salut. Big up au FC Metz qui fait un bon début de saison. Greg de la génération Grenat, bonsoir. Ouais, c'est 57. Vrai. Salut. Mon frère a cassé la GoPro de la famille en l'ouvrant de la boîte. Salut Alexis Picardie. Salut poteau. Big up de Disney. Bonsoir Amandine 34. Salut à Disney là. Ouais. Salut bisous. Maintenant entre vous qui bossez à Disney là, qui nous écoute. Ouais, bah, ouais. J'espère que ça se passe bien à Disney là. Ouais, big up. Être sympa de bosser à Disney quand même. Ouais. Après tu dois être un peu déçu par l'envers du décor. Je pense qu'il y a un truc quand même, tu vois, qui fait que après tu vois les poubelles, tu vois la merde derrière les fossés et tout. Les mecs qui vont pisser. Je me suis dit putain, le nombre de gens qui pissent à côté de moi quand je suis allé à Disney, je me suis dit putain, le nombre de litres de pisse qui sortent à la minute de ce parc. Ouais. C'est une rivière de merde et de pisse qui sort. C'est moins glamour là. C'est moins glamour, quoi. Ah, direct. J'ai acheté un maillot de foot à 180. Salut, mon Calvin, du 01. Faut que tu me laisses ton numéro, mon Calvin. On va parler de quoi après aussi? Vous êtes nombreux à passer des coups de fil ce soir. Les choses qu'on cache en couple. Ah, on va en parler après. Et puis, on va faire le jeu des faits divers. J'aime bien, moi, le lundi, c'est un peu glauque. Flo des cadeaux. Il y a un thème aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est un spécial Inde. Un spécial Inde. Ah. Et il y a des trucs de fou là-bas. Oh, bah, putain, déjà, ah, parfois, il y a encore des maladies moyenâgeuses. Parfois, tu vois des trucs sur Internet. Ah, ouais. Ils ont des gros pieds, des grosses mains, des grosses couilles et tout. Ah, oui. T'as des trucs de fou. Hein. J'étais choqué là. On embrasse les Indiens d'ailleurs, bon courage, ceux qui nous écoutent. Agneau Delhi. Bombay et tout ça, New Delhi. Salut. RPZ. Hein. Bisous, bisous. Terre Bombay. Les Indiens. Et d'ailleurs, la dédicace à tout le Taj Mahal, tout ça, tous ceux qui nous écoutent de là-bas. C'est stylé quand même comme le Taj Mahal. Ah, j'adore. L'Inde, pareil, c'est magnifique. C'est vraiment. Bollywood, c'est l'Inde alors, Bollywood. Bah oui, c'est vraiment l'Inde. Il y a un pays que t'aimerais visiter, je stagiaire, à part Bollywood. Bah, le Brésil. Ou Cuba. Ouais. Je sais pas pourquoi, ouais, je suis chaud pour les pays là-bas. Ah, pour les pays de là-bas, c'est ouais, pour l'Amérique du Sud. Ah ouais, Argentine, Chili, Pérou, alors que ça me. Ouais. Je connais personne là-bas, mais. Ouais. Voilà. J'aime ça. L'Australie, moi. Je sais pas, tout le monde qui parle là-bas en ce moment en plus. Ouais. Ah, il y a beaucoup de Français. Hein. Ouais. L'Australie, tout le monde en parle. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse, l'Australie? Bah, je sais pas, les meufs. Mais sois franc. Les vagues, la mer, les kangourous. Ah, les meufs, ouais. Tout le monde parle des nanas. Il paraît qu'en Australie, c'est ouf. Pourquoi là-bas et pas? Moi, le pays où j'ai vu vraiment, à part la France, la Belgique et la Suisse, bien sûr. Le pays où j'ai vu le plus de belles meufs facile, c'était au Canada. Ah oui, ouais. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Oh là là là. Je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est la seule fois où il y a deux meufs qui sont venues me brancher pour faire un plan à trois dans la queue d'un fast-food, quand même. Ah ouais, alors, je suis sûr que c'est vrai, j'ai même mon pote qui les a niqués devant moi, du coup. Ah ouais. J'étais en couple depuis 5 ans et du coup, et je te jure, ils nous ont chauffé de ouf. Ouais, ouais. On avait une chambre d'hôtel à deux et moi, j'ai filmé toute la scène. Voilà. Ah ouais, Spielberg. Voilà. J'ai même pris le bout du lit, vous savez, qui était une sorte de moumoute au bout du lit. Ouais. Je l'avais entouré autour de moi, ça faisait vieux acteur porno et je filmais mon pote et avec les deux filles, on avait un énorme fou rire. Ah, c'est excitant. J'ai mis du Booba dans la chambre très fort, voilà. J'ai mis, c'est exactement ce morceau de Booba. Quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, clash et du pire. Un de mes potes qui s'appelle Mathieu et du coup j'ai supprimé la vidéo, évidemment. T'as rien fait. Après, moi j'ai absolument rien fait, ça fait 5 ans que j'étais avec une meuf. Ah ouais. Et je suis quand même resté parce que ça me faisait marrer. Mais t'aurais pu quand même. Ah bah oui, j'aurais pu. C'est moi qui suis venu parler là. C'est tentant. Ouais. Elle l'aurait pas su, Oui, c'est tentant, mais après, quand t'es sérieux et que t'es fidèle, bah t'auras fidèle. C'est le Canada, ça va. Et j'ai beaucoup regretté cette scène d'ailleurs de quand elle m'a quitté, même pas 6 mois après. Ah ouais, c'est vrai. J'aime son art. Ce qui se passe au Canada reste au Canada. Alors j'aime ça, il est fidèle, mais juste chez lui. Il est fidèle à la maison. Ah oui, à domicile. Fidèle à domicile. On se rase à haut. Moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et tout se passe la nuit. Tu peux le voir à mes cernes comme une seconde vie qui fait naître nos rêves. Moi j'ai perdu mon 100 balles de shit, ça m'a fait mal au cul. Ah ouais. Ouais. Salut à toi. Alors il y a Nathaniel, bonsoir Nathaniel, 22 ans. Salut, qui est avec nous, de Belgique, hein, qui a appelé. Je vous rappelle, c'était l'inventeur de la coupure que tu te fais quand tu traces trop vite. on t'a pas déjà vu, toi, Nathaniel? Ça me dit quelque chose, là, non? Non, j'ai peut-être envoyé un ou deux messages, mais non. Ah, d'accord. C'est... Okay. C'est pas toi qui saute dans l'eau à 43 minutes dans Titanic? Tu me dis un truc. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Nathaniel, alors? Qu'est-ce que t'as pas pu profiter? On parlait des objets qu'on n'avait pas pu profiter. Ben, écoute, quand j'ai entendu de quoi vous parliez à la radio, j'ai pensé à un vieux truc qui m'a bien foutu la haine. Ouais. C'était un vendredi après-midi, je m'en souviendrai toujours. J'avais fini les cours à midi. J'ai été chercher un magnifique bracelet à 250 euros. J'avais bien bossé et tout pendant les vacances juste avant pour l'offrir à mon ex. Ouais. Et allez, je m'étais dit, je vais lui offrir juste avant d'aller au cinéma, etc. Je lui offre et je me rends compte qu'il était un peu trop large pour son poignet. Ouais. Et donc je lui dis, écoute, ne le mets pas, on ira le changer. Et elle fait sa tiestule, elle me dit non. Donc ok, elle le porte. Résultat, après la séance de cinéma, on rentre à la peinard, etc. Et quand on rentre, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle me fait, j'ai plus le bracelet. Oh non, c'est vrai. Oh là là, putain. Alors que tu l'avais dit, hein. Ah putain, c'est abusé. Ah ouais, je t'avais pas écouté. C'est ça le pire. Ouais, bah ouais. Non. Après, tu pouvais pas savoir non plus, hein, t'as ce que je veux dire. Ouais, ah ouais, qu'elle non, perdre mais... 250 boules, donc il faut pas se dire j'aurais pas dû lui offrir, tu vois. Après, c'est mal au cul quand même. Ouais, mais bon. C'est celle de la connasse en toute amitié. Non, mais celle qui a fait la connasse. Moi, je m'énerverais sur la meuf quand même. Moi, je la kiffe. J'ai payé 250 boules. 250 euros en cadeau. J'ai payé 250. Vous savez, ma plus grosse regrette, ce que c'est avec une meuf, c'est quand j'ai regardé une série à l'époque, c'était Prison Break. J'ai vu un truc à l'époque. Je regardais Prison Break et j'étais au dernier épisode de Prison Break. Voilà, je vais pas dire ce qui se passe, mais un truc un peu important. et je commence dans le lit le dernier épisode, etc. Cette conne avec son doigt et clique vers la fin de l'épisode. On était au tout début et je vois la scène de fin. La rupture là, c'est bon. Et ben, je me suis levé du lit. Bah oui. Je l'ai traité. Je me suis engueulé avec elle. Ah ouais. J'étais vraiment trop conne. Mais t'as raison. Tu vois bien que lui, il va. Voilà. Ouais. J'ai dit, tu fais chier, machin, elle fait putain, j'ai pas fait pas et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as mais besoin si d'aller toucher la souris ouais. Non, mais qu'est-ce que t'as besoin d'aller toucher? Non, mais c'est vrai, c'est énervant, putain. Et quatrième saison, ouais. Troisième elle saison, gâche tu fais un truc. Ah bah oui. Putain. J'ai dit, qu'est-ce que t'as besoin de faire ta connasse aller toucher la souris? Non, mais juste pour monter le son, il y a un bouton là. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ah bah oui. C'est vrai, ça. C'est la merde, ça. C'était arrivé, Julien, ça, non? Complètement. Et en fait, j'étais avec une pote dans un lit. Et elle a, enfin dans un lit ou ailleurs, c'est pas grave, mais elle a mis son doigt exactement elle sur le lit. Elle a besoin l'écran. De chauffer les autres. Ah, alors, si vous savez pas qu'elle est mise comme ça, vous c'est le savez. Pas pour moi, ouais, vraiment, elle a besoin de le dire. C'est genre de meuf, elle a besoin de non, dire. Non, pardon, non, mais. Salut, tu sais que c'est ma pote. Salut, c'était ma pote. Je m'appelle Julia. C'était pas ton énergie, je suis bi. C'est bizarre comment j'ai dit, excusez-moi. Il y a pas de problème, vas-y. Dans un lit avec une fille. Elle a mis son doigt donc sur l'écran. Je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et tu sais pas d'année, tu peux le voir à mes airs, comme une seconde vie qui fait naître nos rêves. Et tu sais pas d'année, tu peux le voir à mes airs, encore une insomnie. Ce soir moi je traîne. Et donc alors vas-y raconte alors. Et le donc, doigt à la fille. Elle met son doigt sur l'écran. C'est un truc tactile. Et on arrive au milieu du film et on voit une scène d'amour entre les deux personnages. Et en fait, tout le film était sur l'intrigue si les deux personnages allaient être ensemble ou pas. Ah ouais. Donc au final, ça servait à rien de le regarder le film vu qu'on avait vu que oui, ils allaient se mettre ensemble. D'accord. Voilà. Bah, ça arrive. Simplement. Ouais. T'as vu que Rick sortait avec Samantha. Fauna. Samantha. Ouais. Et là, et du coup, vous êtes embrouillé? Non, je me suis pas embrouillé, mais bon, c'était relou quoi. On a regardé un autre film. Ah non, moi, c'est une vraie source d'embrouille. Hein, ah ouais. Non, attends. Ouais, touche pas à laisser moi avec un film. Pardon, j'ai ça. Ah moi, la fille, elle touche pas à télécommande quand il y a le film. Ah ouais. Toi, t'es vraiment à l'ancienne, toi. Non, mec, c'est le Moyen-Âge. Mais non, mais c'est chez moi, c'est moi qui mets 1800 ou quoi. Tu vois. Bah, c'est pas parce que c'est chez toi que c'est toi qui mets le son. J'ai ah, mais elle est capable de. Je sais pas. Tu sors qu'avec des abrutis. Oui, c'est vrai. Les mecs, t'as l'impression, il faut pas qu'ils touchent à tes commandes. Non, pas jusque-là. Tu sors avec des animaux, j'ai besoin de. Non, pas jusque-là. Respecte la femme un peu. Quand même. Attends, c'est à la femme d'avoir la télécommande, mais à la femme de savoir. Elle, sans la femme, on n'est rien. Quand il faut. Voilà. Ouais, voilà. On monte pas le son n'importe comment. Nathaniel, alors toi, c'était un bracelet. 250€ le bracelet. Putain, c'était quoi le bracelet, oh. Ouais, c'était honnêtement la marque, je pense que c'était Guess ou un truc du style. Ouais. Ça date donc je pense que c'était Guess, mais c'était, voilà. C'était quand mais... ça? C'était quand? Ouf, ça fait 4-5 ans facile. Ah ouais. Et ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et tout, c'était pour les combien? Bah ça allait faire un an quoi. Ah ouais. Ça allait faire un an, deux jours après. Mais les moyens toi. Ouais. Putain, c'est pas mal hein. Un an. Pourquoi tu vas pas faire le jour J? Bah écoute, parce qu'il n'y avait pas moyen de se voir, etc. avant, donc bon, je m'étais dit autant mettre le paquet ce jour-là, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, 12 jours avant, et bracelet à 250€, ouais. Moi, et perdu en plus. Bon, on va retrouver Virginie, ça va, mes chéris? Bonsoir Virginie, 12 ans du 6-2. Salut. Pas de Calais. Bonsoir. C'est qui, papa? Bonsoir Virginie, je voulais que tu portes mon nom, Virginie. Bon, ça va ou quoi? Tu fais quoi dans la vie, Virginie? Toi, tu tiens une friterie? Non, c'est au collège. La friterie Momo qu'on voit dans le Maurice, la friterie Momo qu'on voit dans le Bienvenue chez Ch'ti, ouais. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Elle est là. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Elle est là. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Elle est là. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans la roche là. Ah non, mais pas ils nous jugent par notre apparence. Pour eux, jeunes de cité rime seulement avec délinquance. J'ai racheté l'album à l'ancienne. Une origine qui ne reflète pas leur France. Ça me fait flipper quand j'y pense. Allez savoir qu'est-ce qu'il est pour ça, nous mettre tous dans le même sac. Pourquoi quand je croise une vieille, elle s'agrippe à son sac. Pourquoi quand je cherche un taf, je vois les portes se fermer. Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé. Est-ce mes baskets qui font ça? Je ne crois pas. Est-ce ma tête qui ne passe pas? Je ne sais pas. C'est-à-dire, se fait des faciales de yop le n'importe matin. Quoi. Oh, 60, salut. C'est bon là. Vous êtes une équipe au top. Bonsoir Alexis du 88. Que salut. De nems et des bananes dans la bouche. Salut. Non, mais c'est bon les nems. Ouais. Un grand bonsoir, content de vous retrouver depuis 5 ou 6 ans. Je vous écoute dans mon lit. Bonsoir de la part de Sam Wendy. Salut Sam Wendy. Salut. Et bon, c'est super gentil, les copains. Merci beaucoup hein, pour les messages. Alors, il y a Virginie. Donc, Virginie qui est arrivé un truc. Après, on fait le jeu de flot des cadeaux avec les tueries là. Il faudra trouver si c'est vrai ou si c'est faux. le jeu des faits divers. Mais d'abord, Virginie, 12 ans. Donc, toi, tu faisais, t'as un petit chéri, Virginie, t'as un comment? Non. T'as un boyzone. Non, t'as pas de. T'as une besta quand même? T'as une meilleure amie ou pas? Comment? T'as une meilleure amie ou pas? Oui. Ouais, ah, très bien. C'est important. Très bien. Comment elle s'appelle? Marie. Elle écoute l'émission ou pas là? Je sais pas. Bon, je te sens un petit peu stressée là, Virginie, non? Non, mais c'est normal. Non, c'est normal, c'est la première fois que tu passes à la télé. Attends, tu te rends compte, c'est la première fois que tu passes à la télé? Oui. Ouais. tu la vois la petite caméra dans le téléphone et te filme là. On te voit, nous, hein, sur le site d'énergie. Hein. Oui. Enculez-moi, mais. Oh non! Rien à voir avec elle. Ah ouais, je suis tombé là-dessus par hasard, ça fait longtemps que j'attendais. Je m'appelle Jean-Louis. Je suis né sur le port de Marseille. On est en 1919. Je suis au soleil. On est le 4 juin. Il fait chaud, il fait beau. Mes parents sont pêcheurs. Mon frère est pêcheur et moi aussi. On se nourrit de la pêche de la mer. J'ai le doigt de pied dans l'eau du matin au soir. Je sors avec Marilyn, j'ai rencontré quand on avait 14 ans. Je me marie avec l'année prochaine. Je demande en mariage devant ses parents. Ils sont d'accord. Il y a juste son frère qui est un peu chaud. Son frère, il est un peu nerveux. Mais on s'entend bien. Pablo! Quoi? Hey, je t'ai dit, je suis nerveux, hein. Tu me prends pas comme ça par surprise, hein. Pablo! Qu'est-ce qu'il y a? Calme, faut que je me calme. Putain, le médecin, le pacemaker, il va bouger là. Mais arrête, t'en fais trop. Je suis nerveux. On a dit, je suis nerveux. Oh là là. Pas là. Bon, vous savez quoi? On se fait Charlie Puth, Alonso, psychiatre. On se l'écoute maintenant. Alonso Blinta. Et juste après, tu nous racontes ce que t'as pas pu utiliser. D'accord, ma chérie Virginie? Okay. Allez, gros bisous, ne bougez pas. 22h49, on est en direct. Et il me faut deux joueurs. Ouais, on joue avec le jeu de Flo des cadeaux. Tous les lundis, le jeu des faits divers. Il faut deux joueurs. Vous allez dire vrai ou faux à chaque fois qu'il dit des trucs, des histoires de meurtre. Il faut savoir si c'est vrai ou faux. Et celui qui aura le plus de points gagne un cadeau. Vous m'envoyez Guillaume et je avec votre numéro au 6 11 12. Faut commencer par le texto par Guillaume. Guillaume en espace, je votre numéro au 6 11 12 sur énergie maintenant. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Ça y est, elle vient de lui, c'est une bombe, c'est... super. Ouais. J'ai besoin de deux d'entre vous, les gars. Vous envoyez Guillaume et je avec votre numéro au 612. J'en prends deux d'entre vous maintenant. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. En Australie, il y a un bar qui vous propose le café le plus fort du monde. Ouais. Il a 5 grammes de caféine par café. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 80 fois plus fort qu'un espresso à nous. Oh. 80 fois plus fort. Bah, déjà que je suis incapable de boire un expresso sans lait, je trouve ça hyper fort ce truc, il n'y a aucun intérêt à le boire. Bah là, tu peux le boire, mais effectivement, au niveau du lait, il faut que tu achètes une vache avec. Ouais. Voilà. Rendez-vous demain, 6h-9h30, sur Énergie. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. TF1. Demain, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blindspot, demain à 20h55 sur TF1. Combien coûte l'organisation d'une primaire? Que font les abstentionnistes le jour où ils s'abstiennent? À quoi ça sert aujourd'hui un président de la République? L'actualité politique soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. C'est Evelyne Thomas, retrouvez-moi pour une nouvelle saison inédite de C'est mon choix. Humour, défis, émotions, personnalité décomplexée et caractère bien trempé. C'est mon choix du lundi au vendredi à 17h sur Chéri 25. Nouvelle saison, nouveaux horaires. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée les mecs, Zao avec MHD. Laissez les combats. Y'a de ce de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On se fraîchera des pouces aussi. On donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. On va prendre deux d'entre vous là, j'ai besoin de deux d'entre vous pour jouer avec nous maintenant. Avec Flo Descadeaux qui va raconter 10 histoires de meurtres en Inde qui sont passées récemment. Il faudra savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et parfois c'est tellement bizarre ou ouais, tellement sale qu'on se trompe. Ouais. On va le faire juste après. D'abord, il y avait Virginie, t'es toujours là Virginie? Oui. Virginie, toi t'as eu un overboard, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, pour mon Noël, j'ai eu un overboard. Ouais. Et donc, je laisse chez moi et tout ça. Ouais. Et je décide de l'utiliser demain. Lendemain. Ouais. Et mon frère, il voulait l'utiliser avant moi, du coup, je laisse. Et quand il l'a utilisé, il l'a cassé. Et il l'a cassé direct? Ah merde. Ouais. Comment il fait pour casser un overboard direct? Bon, en fait, il avait utilisé tout, puis il a essayé de le recharger parce qu'il avait presque fait de batterie. Ouais. Et il l'a fait surchauffer, et puis du coup, la batterie et tout qui a grillé dedans. Ah, mais il l'a fait surchauffer, c'est-à-dire il l'a laissé trop longtemps? Ouais. Il s'arrête pas de charger tout seul? Ça a explosé? Bah, là, apparemment, non. Ouais. C'était un truc de merde, genre, un truc un peu chinois? Non? Je sais pas, j'ai pas eu le carton avec. Enfin, ah ouais, d'accord. C'est dangereux quand même. C'est bizarre quand même. Il y en a qui brûlaient. Hein, ouais, il y en a qui brûlent et tout. Ouais. Il y a eu 2-3 trucs un peu limite. Là. Ouais. On va se faire le juste prix, j'ai des cadeaux à vous offrir. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On va avoir des nouveaux cadeaux là, Flo, des cadeaux cette semaine. Alors il y a des Xbox. Oh là, merci. Xbox One. Merci. Trop dur à dire. Oh là là. Une Xbox One S. Xbox One S. Oh là là. Mais c'est pas facile. Putain. Donc vas-y. Des PS4, des tablettes Samsung Galaxy Tab E et puis il y a le double hit aussi. Voilà. Pour gagner un iPhone 7 ou des places pour aller voir 21 Pilots. Voilà. Bon, surtout l'iPhone 7. Ouais. C'est surtout ça l'iPhone qu'on 7. Ah, l'iPhone 7, tout le monde l'attend. Donc on a déjà des iPhone 7 à vous filer. Ouais. Il peut tomber à partir de quand aujourd'hui? N'importe quand. D'accord. Toute la semaine. C'est dès qu'on entend quoi du coup? Nia chez 21 Pilot enchaîné. Ouais, c'est ça. Très bien. Putain, c'est bien. Bah ouais. Dès qu'il y a Nia chez 21 Pilot, on vous file l'iPhone 7 et ou deux places. Ou des places, ouais. Tout compris pour aller voir toi, une pilote au Zénith de Paris. Voilà. Ouais. Donc le transport et tout pour aller à Paris, c'est cool. Ouais. Voilà. Le 17 novembre, on file ça, ça peut tomber cette semaine avec les tablettes Samsung Galaxy Tab E. Et pas les Tab 1, les Tab E, nouvelles, les PS4 aussi et les Xbox One S. Ouais. Ils vont aller jusqu'à quelle lettre? Bah, ils font toutes les lettres parce que c'est comme. Ça va, ils ont la marge. Bah, c'est comme l'iPhone 6, 7, là, tu vois, on arrive au 7, après ça va faire bizarre. iPhone 12, iPhone 13, ça, au bout d'un moment. C'est comme FIFA 17. Ouais, FIFA 18, ça, c'est avec les années, oui. Ouais, c'est avec les années parce qu'ils ont commencé plus poil. C'est normal, ouais. Virginie qui a un overboard. Et on va retrouver deux d'entre vous. Vous pouvez envoyer un Guillaume et votre numéro de téléphone au 6 11 12. J'ai besoin de deux d'entre vous. Maintenant, le principe est simple, Flo des cadeaux, t'as 10 histoires. Je vais mettre une musique douce. Enculez-moi, mais enculez-moi. C'est pas ça. Non, attends, une musique d'ambiance. Je vais mettre une petite musique un peu. Non, ça fait un peu film ça. Ça a l'impression. Voilà, c'est autre chose là. Non, ça non plus. Non. Non. Pas trop peur là. Attends. Ah bah là, c'est la musique au mort. Ah ouais, ouais. Alors, remarque, tu racontes un meurtre. Hein. Ouais. C'est bizarre. Non, ça fait enterrement. Ouais. Ouais, bah oui. C'est extraterrestre. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est drôle ça. Si, si, si, c'est énorme. A pas eu depuis longtemps celle-là. C'était quoi cette musique? C'était des vieux films d'horreur. La quatrième dimension. Ah, ouais, ouais. Oula. On en a parlé l'autre fois. Ah, bah oui, c'est pour ça que ça fait penser à quelque chose. Allez, alors attention, j'ai besoin de deux d'entre vous maintenant. Guillaume, votre numéro au 6-11-12. Allez-y, hein, les gars. Deux d'entre vous, on va en prendre un premier, il s'appelle Andoni de Bayonne. Bonsoir Andoni. Salut Andoni. Bonsoir. Ça va Andoni? Salut. Allô. C'est Andoni avec un D, hein, c'est ça hein? Oui. Et non pas ça. Anthony avec un T. Eh ben enchanté alors. Andoni, tu viens de Bayonne? Oui. Eh ben représente le 6-4. Alors attends, je donne ton nom sur la feuille. Tu fais quoi dans la vie Andoni? Ben, je suis collégien. Et, ben, collégien. Et puis il y a Guillaume qui est arrivé de Lyon. Bonsoir Guillaume de Lyon. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Salut Guillaume. Salut. Ouais, ça va nickel. Guillaume, trop bien, ouais. Tu fais quoi dans la vie toi Guillaume? Moi je suis conseiller client. En quoi? Dans la téléphonie. Non mais pour quelle marque SFR? SFR. Ouais, c'est ça, le logo rouge. Ouais. T'es pas déjà passé avec nous il y a longtemps? Ouais, il y a un moment. Il y a, ah, ouais, t'avais dit pareil. Ouais. Tu l'es pas dit à SFR. Ouais. Conseiller téléphonique SFR, je me rappelle bien. Ouais. Toi, on s'en souvient quand même. Ouais. C'est la famille, hein, c'est la famille. Ah, là, là. Je me rappelle de cette petite tasse au téléphone. Pour laquelle tu étais venu nous raconter une histoire de cul, non? Ouais. SFR, ouais, possible, ouais. Avec une grosse coquine. Ouais. Ouais, je me souviens très bien, nous très bien. Attends. C'est pas une vanne du tout. Ouais. La preuve, c'est celui qui venait parler de cul, bien sûr. Une cliente, non, peut-être. Je me rappelle de. Je me rappelle des histoires, moi, Flo des cadeaux. J'écoute l'émission. Bonsoir. Elder du 73, j'aime manger au McDo. Eh ben, salut. Je t'embrasse, Elder. Bon appétit. Pub payé par McDonald's, sûrement, pour le SMS. On va jouer Guillaume d'un côté, Andoni de l'autre. Guillaume, ouais. Tu as 27 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Dans le 69, très bien. Et toi, Andoni, t'as 14 ans. Qui va mettre une branlée à qui? On va voir. De toute façon, c'est pas un jeu où il faut s'énerver, c'est un jeu où il faut faire des vrais ou des faux, il faut faire des paris. Bon, match, sur les histoires, Flo des cadeaux va nous raconter 10 histoires de meurtre. Vous allez dire à chaque fois vrai ou faux, et à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez un point. On s'amuse tous à jouer avec l'équipe aussi. C'est un jeu qu'on attend toute la semaine parce qu'on a envie de gagner. C'est assez énervant d'ailleurs quand Flo des cadeaux nous baise. On n'aime pas ça. Se faire baiser par Flo des cadeaux, c'est pas une bonne idée. Attends. Ah, c'est pas mal ça aussi. Là, ça va endormir. Ça fait glauque. Ouais. Attends, c'est parti, Flo des cadeaux, première histoire. Ça s'est passé donc en Inde, à Nagpur. C'est un homme qui a été accusé de viol et qui a été jugé par un tribunal populaire. Donc c'était un tribunal qui était composé de membres du village et ils lui ont laissé le choix. Soit il devait sacrifier une de ses vaches, soit il devait donner en compensation deux de ses enfants pour qu'ils soient exécutés. Et il a préféré donner ses deux enfants qui ont été pendus publiquement dans le village. Pour faire quoi? Parce qu'il était accusé de viol et donc le tribunal lui a laissé le choix soit sacrifier une de ses vaches, soit donner ses deux enfants. Sacrifier une de ses vaches? Ouais. Il préfère la vache. Pourquoi à ses enfants? Bah parce qu'il c'était un fermier qui avait des vaches. Il avait combien d'enfants? Il a deux enfants. Et il avait que deux enfants. Et il avait combien de vaches? Je sais pas s'il avait que deux enfants, mais il en a donné deux. Très bien. Mais il est malade. Vrai ou faux, Guillaume de Lyon? Moi je vais dire vrai, ça paraît ouf, mais. Mais tu préfères donner ses enfants que sa vache. Andoni. Moi je dirais faux. Toi tu dirais faux, j'ai un stagiaire. C'est tellement gros, je vais dire vrai. Pourquoi tu dirais vrai? C'est les Indiens, enfin l'Inde, pardon, ils ont un peu taré, je pense. Ils s'en foutent des. Non, mais très raciste. Non, mais je pense que la relation avec les enfants, c'est pas la même qu'on a nous, peut-être. Ah, ça, c'est possible. Voilà, dans certains pays très très beaux, il y a des relations. Le enfants, mec, il préfère sa vache à ses enfants, donc bon, ça me choque moins en Inde qu'en France, on va dire. Ouais. Voilà. Moi, ça me choque partout pareil. Hein. Bah oui. Ouais, mais bon. Après, peut-être qu'ils n'ont pas à manger. Ouais, voilà, c'est pour mais ça. Bon, donner un enfant, moi, j'y crois pas. Mais enfin, bah, attends, Julia. Moi, j'irais vrai parce que les vaches sont sacrées en Inde. Donc, à mon avis, c'est un truc religieux. Ouais, c'est ça. Je pense. Ah, j'ai pas pensé à ça. JM du standard, vrai ou faux? Je vais dire faux. Vrai, là, tu dirais quoi? Ouais, faux quand même. Tu dirais faux. Ouais, ouais. Guillaume, je dirais faux. Ouais. Tu dirais faux? Ouais, je dis faux. Ah, tu dirais faux. Ouais. Allez, moi, je vais dire faux aussi. La réponse, Flo des cadeaux. Réfléchissez bien chez vous. Vous pouvez jouer si vous êtes en voiture avec des potes ou quoi. La vache contre les deux enfants. Et la réponse était. C'est faux. Ah c'est faux, il juge pour un viol, pourquoi il dirait punir des enfants? Effectivement. Ouais, mais après, tu vois, non, non, mais merde, tu sacrifies merde. Au nom de quoi? Ah oui. Non. Très bien. Un point pour Andoni pour l'instant. 14 ans de Bayonne. Bravo, Andoni. Alors attends, on continue. Flo des cadeaux, il est bien. Il est bien. Bonnes histoires. Flo des cadeaux, en plus en Inde, c'est hardcore. Il y a de l'imagination là quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'as inventé ça. Oui, c'est inventé. C'est sale. Il est fou. il est sale. Attention. On imaginera ce. Ah non, mais putain, c'était une histoire que j'avais racontée à l'époque. Parce qu'en fait, il y a des musiques et j'ai parlé dessus, j'ai enregistré. Attends. Ça, c'est bien comme musique, ça. Je trouve ça met la pêche direct. Ouais. Quand tu commences à dire salut, bienvenue, on est en direct sur Énergie jusqu'à minuit, Guillaume Radio 2.0. Guillaume, en Inde, les vaches sont sacrées. Ouais, mais quand même. Bah ouais, c'est vrai qu'en Inde, les vaches sont sacrées. Oui, peut-être, mais. Les enfants humains. Aussi, Enzo du 6-4. Les enfants aussi sont sacrés. Bien sûr. Enculez-moi, maître. Flo des cadeaux, deuxième histoire. Guillaume, Andoni, écoutez bien, et vous aussi, on y va. Alors là, donc, ça s'est passé dans une école, toujours en Inde. C'est un enfant de 6 ans qui a été envoyé au coin. Il a été puni par son professeur. Sauf qu'à la fin des cours, le professeur a oublié l'élève qui est resté assis dans le coin. Et c'est le grand frère du petit qui s'est rendu compte qu'il ne rentrait pas à la maison. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont fait des recherches. Et en fait, ils ont retrouvé le petit toujours au coin, qui était inconscient. Et en fait, il est décédé. Il était resté là sans bouger. Et les parents ont porté plainte contre l'école. C'était où ça, en Inde? Ouais. Mais il est resté combien de temps au coin? Je sais pas, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Andoni, vrai ou faux, tu commences? Je dirais vrai. Le mec, il est mort au coin? Ouais, il est resté au coin. Guillaume, vrai ou faux? Moi, ça paraît gros, je vais dire faux. Tu vas dire faux. Vous inversez, en fait. Tout à l'heure, t'es dit vrai ou faux. Ouais, ok. Julia? Je dirais faux. Tu pourquoi? Peux pas, je sais pas, tu restes pas. Même si t'es enfant, tu n'obéis pas comme ça pendant des jours et des jours. J'essaie. Ah, c'est pas ouf, je vais dire vrai. C'est possible. Le prof, il l'a oublié, l'enfant il reste, il sait pas trop quoi faire, donc il reste, il s'endort peut-être, après il est inconscient et il meurt quoi. J'ai envie de m'énerver sur toi, mais je me dis, j'imagine, c'est toi. C'est pour ça que tu vas pas le faire. J'ai envie de dire, à quel moment, parfois il y a des tremblements de terre, il retrouve 3 semaines après quelqu'un dans les décombres, et là le mec il s'endort 2 heures. C'est rare peut-être. Et pour mourir de fatigue, faut passer. Et peut-être il faisait chaud, il avait pas mangé. J'y crois pas, j'y aime le sonar. Je vais dire faux, c'est pas possible. Ah si c'est vrai les gars, alors là. Moi je dis faux aussi. Si c'est vrai. Et la réponse est. C'est la toupie, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. 2 points pour Andoni, 0 pour lui. Ah là là. Il y a eu la même histoire en France. Hein. De quoi? Un truc similaire. Hein. Ah bon? Il y a pas longtemps en plus. Qui est mort au coin? Bah, pas mort, mais en fait, la mère, elle a cru que sa fille était disparue. Ouais. En fait, elle était restée à l'infirmière. Avec l'infirmière de l'école, et il y avait la gendarmerie qui avait lancé. Donc c'est avec l'infirmière, c'est ne dites pas à l'équipe, c'est à l'infirmière. Ça va. On apprend les mots. Mais non, avec, ça va. Adopi, alors, je suis allé à l'école, je suis allé à l'infirmerie aussi. JM du standard apprend les mots. Oui. Avec Adopi, merci. Avec plaisir. Et donc, Flo des cadeaux, à quel moment le mec il meurt, s'il te plaît? C'est un petit qui est resté au coin et on l'a oublié, il est resté là-bas. Et c'est un petit alors. Non, mais il avait 6 ans. Oui, non, mais six ans, à 6 ans, tu peux tenir 3 jours. Hein, tu marches. Tu peux faire Koh Lanta. Il a oublié tout le week-end, genre au coin? Alors, il n'y a pas la durée pendant laquelle ils l'ont oublié, mais en tout cas, quand ils l'ont retrouvé, il était inconscient et il est décédé. Ah ouais, putain, merde. J'ai du mal à y croire. Ouais. Franchement, après, c'est peut-être des histoires aussi que. Des légendes urbaines. Ouais, des légendes indiennes. C'était en 2013. C'est vraiment faux, il y en a qui dit. Pourquoi sacrifier une vache dans un pays où elle est tellement sacrée? Voilà, c'était faux, il y en a qui dit. Ouais. Genre, le gamin décède au coin, mais on est totalement impossible. Et ben voilà, depuis tout à l'heure, les SMS. Mais ouais, bah si. Et franchement, Flo des cadeaux, pour moi, c'est de la couillasse. Vous pouvez aller vérifier sur internet. Alors, JM du standard, vérifie. Je vais regarder, ouais. Alors attends, mais on peut aller à l'Inde ou quoi? Qu'est-ce que tu as marqué alors? Alors là, je vais taper fait divers pour des cadeaux. Enfant mort au coin. Décédé au coin, ouais. Enfant mort au coin. C'est mortel l'école, je le savais, c'est moi qui ai eu 41. Non, mais je te dis, c'est pas possible ça. Non, mais je te dis, ouais, ça paraît gros quand même. Non, mais ça arrête. Paraît énorme. C'est pas des sites, c'est pas des sites de buzz là qui veulent faire du clic. Non. Ma grand-mère, elle. J'avoue, je la trouve pas. Ah, j'espère, mais faut pas regarder les faits divers. J'ai besoin de trouver ça ouf. Ah ouais, t'as trouvé ça ouf. Là, sur Google, y'a rien d'écrit. Ah ouais. Ouais, c'est un article du Garofi, c'est le Garofi. Non, je vais sur un site, je le donnerai pas parce que vous irez voir, mais ah ouais, sinon après on va faire des sources. Non, c'est vrai. Allez, vas-y, troisième histoire, 2-0 pour Anthony pour l'instant, on t'écoute. Alors là, ça s'est passé à Bombay. C'est un employé de la mairie qui a été condamné à 30 ans de prison. En fait, il travaillait sur la restauration d'une route et ça se passait pas bien avec sa copine. En fait, après une dispute, il l'a tué et pour faire disparaître le cadavre, il l'a coulé dans le bitume de la route qu'il était en train de refaire. Le corps a été retrouvé parce qu'il était mal recouvert et la police a été appelée, ils ont identifié le corps. Et donc cet employé de mairie a tout de suite été interpellé, il a pris 30 ans de prison. Il a tué qui ? Il a tué sa copine après une dispute et pour faire disparaître le corps, il l'a mis dans le goudron d'une route qu'il était en train de refaire. Guillaume en premier, à toi de dire vrai ou faux ? Ouais, je vais dire vrai. Ça toi, tu dirais vrai, vrai pour ouais. Guillaume, Anthony ? Je dirais vrai aussi. Vrai, j'ai du mal à y croire. Julia ? Vrai, moi je dis vrai. Vrai, Guillaume s'en a. Ah, je sais pas du tout, je vais dire vrai. C'est... Vrai ? Ouais, vraiment, je suis pas convaincu. Hein. Je vais dire faux alors, tout le monde dit vrai. Faux bon, ouais. Écoute, moi je vais dire vrai, Flo des cadeaux, et la réponse est. Bah, c'est faux. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. On va arrêter ce jeu, c'est de la merde, vous savez. Vous savez. Ah, je suis content. La semaine prochaine, on a un bruiteur de cinéma qui vient dans l'émission. C'est hyper drôle, voilà. Par exemple, on va faire comme on fait actuellement, genre des. Je m'appelle Jean-Louis. À l'aube du clair-obscur. Nous sommes en 1680 et je m'apprête à attaquer la Prusse avec mon cheval et mon meilleur ennemi. Il s'appelle Bruce Coquin. Bruce Coquin ? Ouais. Bruce Coquin ? Ouais. Prends ton cheval, on y va. J'arrive. Il fera les bruits au fur et à mesure de l'histoire. Ah, il va être fort le mec. Hein. C'est rigolo quand même. On va écrire une histoire pour qu'il puisse le faire. Quoi. 30 ans de prison, faux, c'est à vie. J'envoie des CV, je reste anonyme. C'est un gars qui, en revenant de la chasse de la jungle, dit à son ami : j'ai tué 10 éléphants, 11 serpents, 7 lions. Ok, très bien, je peux pas le dire. Ah oui, pas nous. Oh non, il est trop connu. Non, trop connu, pas nous. Moi, c'est mon père au Portugal, il a perdu son portefeuille. 80 euros, sa carte bleue, on a fait opposition de suite en France. Merci Steven du 11. Salut. Dans l'Aude, représente Narbonne, etc. Carcassonne, tout ça. Gros bisous, les potos. Alors, attends, on continue. Andoni, Guillaume. Donc, du coup, c'était quoi ? C'était vrai ? Non, c'était faux. C'était faux, donc 0-0. Donc, ça fait 2 points toujours pour Andoni. Et 0 pour Guillaume. Attention, quatrième histoire, quand tu veux. Alors là, c'est. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Là. Attends, il me faut des musiques. Ouais, Glow, c'est bien ça. Ah, c'est bien, ça va, vas-y. Alors. Les bronzés. Ah. Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux, ça fait... À l'ancienne, alors vas-y, on y va. Attends, faut une musique un peu qui fasse peur là. J'ai pas de musique qui font peur. Je voudrais une nouvelle, j'ai le standard de la musique. Allez, je note Guillaume. Vas-y, on y va. Voilà. Alors, c'est un Indien de 53 ans qui a été admis à l'hôpital de Calcutta en 2011 pour une pneumonie. Une pneumonie. Oui. Il était en soins intensifs quand en fait il s'est fait ronger le pénis par des rats. Il n'y a aucune infirmière qui est intervenue alors qu'il hurlait de douleur et c'est la famille qui allait lui rendre visite. Ça va. Et ils l'ont retrouvé dans une mare de sang, il est mort à cause de son hémorragie. Non. Ils avaient bouffé la tête par des rats. Voilà. Et aucune infirmière a réagi alors qu'il hurlait. Andoni, c'est vrai ou faux ? Moi je dis que c'est vrai, c'est possible. Tu dirais que c'est vrai, Andoni. Guillaume ? Je vais dire faux, allez. faut bouffer la teub par les rats. Ouais, j'aime ça, il se fait tout bouffer le trou de cul dans les hamsters. Non, j'aime ça. J'ai stagiaire, pardon. Ouais, je vais dire vrai, c'est possible. Hein. Pas de chance, ouais. Le mec. Voilà. D'accord. Morbette, hein. Morbette. Toi, tu dirais vrai? Ouais, il y a moyen, je pense. Bouffer la teub. Ouais, ouais. Il est dans le vrai ce soir, j'ai un stagiaire. Ouais, faut m'écouter. Il a faux depuis le début, mais j'aime ça. Juste, c'était en quelle année, Flo des cadeaux? En 2011. Ouais, c'est faux pour moi. Ah, c'est faux ça? Ouais, Julia? Faux, c'est trop sale. C'est trop sale, là, justement. Ah, ouais. Et oui, pourquoi Jim s'en a? Qu'est-ce que tu te fais manger la teub par des rats? Il y a pas des mecs. C'est parce que t'es pas allé en Inde, Jim. Bah ouais, mais faut sortir de Marseille un peu, Jim s'en a. J'ai fait, mais je suis pas allé en Inde. Non, mais voilà, mais je te dis que si t'as pas fait l'Asie, moi je suis allé au Cambodge, j'ai déjà vu la misère, je peux te dire que c'est malheureux. Il y a les moustiques et les rats. L'Inde, c'est le deuxième pays le plus pauvre après le Pakistan. C'est très très pauvre, attention. Si t'entends le patient crier, tu vas l'aider. Peut-être que tout le monde hurle, ils ont pas de médoc. Les rats, ils ont faim là-bas. Ils sont sur la terre aussi. Non, non, attends, il y a des hôpitaux, c'est hardcore, attention. Hein. Ils appellent ça des hôpitaux, tu vas pas te faire soigner. Hein. Bah non. Mais c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, attends, je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai, Flo des cadeaux. Et après, peut-être pas arriver là, mais c'est possible en tout cas que ça arrive malheureusement dans des trucs. La réponse est. C'est vrai. Ouais. Alors. J'étais moi. Bravo, c'était vrai. Et t'as essayé de me regarder en rigolant. Évidemment. Pour me faire changer d'avis, j'ai failli changer d'avis. Ça a déjà marché. Ça a déjà marché, mais ça ne marchera plus dorénavant. Donc c'était vrai. C'est Anthony, 3-0. Putain, c'est la branlée. Ouais, j'ai que des mauvaises réponses depuis tout à l'heure. Ah ouais, t'as réussi à faire un sans faute, mais du mauvais côté. Ouais, c'est très bien. Guillaume et Anthony, attention, histoire suivante, Flo des crados. Alors cette fois, c'est à New Delhi. C'est un homme de 21 ans qui a toujours voulu devenir une femme. Et comme en fait, il n'a jamais eu l'argent pour se faire opérer, un jour, il a décidé de se débrouiller tout seul et il s'est coupé le sexe avec un sécateur. Ses parents ont été alertés par ses cris, l'ont emmené à l'hôpital et les docteurs ont réussi à sauver une partie de son sexe. Et il a décidé de pas... Une partie de quoi? Une partie de son sexe. De son... une partie de son... D'accord, très bien. Pas de problème, tout va bien. On fera comme si on remarque plus tes masques. C'est chaud. Une partie de son... Mais qu'il aspire ses mots maintenant. Et il a décidé de pas se faire opérer jusqu'à devenir une femme. D'accord, ok. Il s'est coupé le zub avec le sécateur. Très bien. Wow. Guillaume, vrai ou faux? Allez, essaye de nous en faire une bonne, mon Guillaume. Ouais, essaye de marquer un point juste pour montrer que c'est possible. Pour l'honneur. Attends, ensuite, Anthony, vrai ou faux? Faux. Tu dirais faux, toi, très bien. Faux. Eh ben, très bien. Alors, vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux pour Anthony. Guillaume dit vrai. Julien stagiaire. Ouais, c'est possible, donc c'est vrai. Mais toi, j'ai dit toujours que c'est non, vrai. Non, mais non, le mec, il veut changer de sexe. Il veut changer de sexe. Mais au sécateur, bah oui, mais il a rien d'autre, le pauvre. Il est chez lui dans sa chambre. Il prend le sécateur de son père. Et il veut quoi? Est-ce qu'on met les couilles? Bah oui, mais il veut changer de. Il est mieux en femme. C'est pas des sexes. Mais c'est parce que tu coupes le bout de viande que tu vas devenir une femme. Mais il sait pas, justement. Il sait pas comment il veut saigner. Ça se trouve, c'est un village en Inde, il sait pas comment faire. Non, non, non. Moi, je dis, il y a moyen. C'est une connerie, c'est Jim Zonda. Ah, c'est faux. Ben, je vous lis. La dis vrai, Guillaume. Ah, je t'écoute, c'est faux. Ah, mais bien sûr, c'est de la. Mais non, dis vrai. Ah, juste, Julia. Non, c'est faux. Mais dis vrai. Tu peux pas te circoncire toi-même non plus. Ouais, alors. Là, c'est peut-être qu'il a pris de la drogue en Inde. Il y a peut-être des trucs chelous et tout. Moi, je dirais que c'est faux. La réponse est. C'est faux. Tu restes fidèle au Mario. Tu restes fidèle au Mario. Et on applaudit Guillaume qui a marqué 0 points. J'ai sucé un patient dans mon cabinet de chirurgie. Je me sens mal, Virginie, en Suisse. Salut, par SMS. C'est où, en Suisse? C'est vrai. J'ai compris. Hein? Ah, c'est ta sœur. Merde. C'est ça. Il y a un mec qui veut passer pour ma sœur. Ah oui, non, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Ah, c'est pas le bon prénom, ça va. Allez, bâtard. Ah, je croyais, en plus, je vous dis, putain, c'est une bonne histoire et tout. Pas mal. Est-ce que là, c'est la sœur de JM du standard qui est en fait chirurgienne en Suisse. Ah, je vais mourir, pardon. Et c'est pour ça qu'il y en a, j'ai suis un patient en kiné de chirurgie, je me sens mal. Virginie. C'est Nini, hein, Nini dessus. Nini, ouais. Mais c'est pas Marie. Ouais. Ah, c'est pas Virginie en plus. Bah non. Ah oui, d'accord. Mais tu crois que c'est ça? C'est peut-être pas ça. Si, c'est sûr. Bah, peut-être c'est vraiment un truc. Hein. Allez, ton numéro, Virginie, s'il existe vraiment. Imagine sa sœur en vrai. Ta gueule. Ta gueule. Ah, ramenez, je te respecte. Il aurait pas fait celle-là, James. Non, tu vois, il l'aurait pas fait. J'ai failli t'envoyer mon cerveau à la tête. Oh là là. Tu peux y aller, les platines sont protégées. Ouais, alors. J'ai vu ça. Non, pardon. On risquerait de se faire engueuler quand même. Oui, c'est vrai. Guillaume et Anthony, attention, dernière, Jim Sandar. Flo des cadeaux. Ok, alors c'est dans l'état du Rajasthan, c'est une femme. Essaye d'en faire une sans bugger, s'il vous plaît. Parce que c'est pas encore arrivé depuis le début. Pour l'instant. Ça aurait été bien d'essayer d'en faire une normale. Alors, dans l'état du Rajasthan, c'est une femme de 22 ans. Il n'est pas crédible. On t'écoute. Non, mais en plus, c'est une histoire de train. Bah, vas-y. C'est une femme. C'est une femme de 22 ans qui a accouché dans les toilettes d'un train, justement. Et en fait, la maman s'est évanouie et le bébé est tombé dans la cuvette. Et alors, en fait, si elle s'est évanouie avec son petit Hux. Vas-y, recommence, pardon. La maman, donc, elle s'est évanouie et le bébé il est tombé dans la cuvette. Et le problème, c'est qu'en fait, en Inde, les trains ont des toilettes qui tombent directement sur les rails. Comme en France. Et donc, le bébé est tombé sur la voie, mais il n'est pas mort. Oh. C'est un agent de sécurité qui l'a découvert, qui a appelé la police et les parents l'ont récupéré ensuite. Attends, ils ont mis de où là pour être sur la voie? Elle a accouché dans les cuvettes et les cuvettes ils vont directement sur les rails. Mais non, mais et le bébé il est tombé sur les rails et c'est un agent de sécurité qui l'a récupéré. Il est pas mort? Non. Il roulait? Voilà. Il serait mort. Oui, le train roulait. Il est tombé elle a accouché dans les chiottes? Elle a accouché dans les chiottes, elle s'est évanouie et le bébé est tombé sur les rails. Ça a tapé dans les toilettes et bim dans les rails. Et le cordon ombilical. Andoni. Comment il a roulé? Andoni. Anthony, vrai ou faux? Ah, le bâtard. Moi, je dis faux. Faux, toi, tu dirais. Oui. Guillaume? Ouais, je dirais faux. À mon avis, le bébé, il passe pas par la cuvette. Julia, c'est trop gros, je dirais vrai. Toi, tu dirais vrai, pourquoi? Parce que j'ai vu un reportage où il y a un bébé, pareil, qui est passé. Tombé dans un train. Pas dans un train, il est passé par les toilettes. Vous pouvez essayer de faire des phrases correctes dans l'équipe ou c'est dur? C'est dur, c'est dur. Il fait très chaud. Oh là là, il n'y arrive pas, Il fait très chaud. Oh là, la misère. Bon, très bien, alors vas-y. Vas-y, pardon, tu sais quoi, ils ont scié en fait les canaux dans toutes les toilettes, quoi, pour récupérer l'enfant. Donc c'est possible, je pense, qu'un enfant passe par les tuyaux, quoi. Tu dirais que c'est possible qu'un enfant passe par les tuyaux? Ouais, jamais de la vie. Julien, stagiaire. Mais bien sûr que non, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est faux. Pour toi, c'est faux. Jamais de la vie, enfin, j'espère. Ouais. J'aime du standard. Ouais, pareil. Il y a un problème avec le cordon. Vous diriez que c'est faux. Ouais. Et ben moi, je veux dire que c'est vrai. Mais tu peux pas dire ça. Je veux dire que c'est vrai. Et je pense que c'est vrai. Et la réponse est. Bah, c'est vrai. J'ai un pote qui est allé une fois en Inde dans sa vie. Il y a quand même un mec qui a chié par la fenêtre devant lui. Ah, mais c'est différent, ça. Il a passé son cul dans les 5 cm qui ouvrent la fenêtre en haut. Et il a chié de la chiasse sur tout le carreau devant lui. Et tout le trajet, il a rien vu à part du marron. C'est une histoire vraie, hein, je vous le dis. Ils ont pas la honte du tout avec la merde là-bas. Faudrait y aller un jour. Et en fait, les trains, là, malheureusement, le trou, en fait, je pense que tu peux même tomber toi-même dans les toilettes. C'est un trou, en fait, hein, dans lequel ils chient. Et ils sont 5000 dans le train, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'en fait elle avait pas d'autre place que de se mettre sur les chiottes pour accoucher et que ça tombe dedans. Le bébé, il est tombé. Il arrive sur Terre, il tombe. Attention, un train là-bas, ça roule à 5 à l'heure. Ah, mais quand même. En fait, ça traverse le pays et les mecs, ils s'arrêtent. En fait, ça s'arrête pas dans les gares, ils sautent dans le train, ils sautent du train aussi. Il a de la chance. Pour entrer. Et là-bas, si tu perds tes parents, genre tu ne les retrouves jamais, il y a beaucoup de. Bah, comme dans Slumdog Millionnaire et tout ça, t'as beaucoup de gens qui perdent leurs enfants dans les gares et qui ne les retrouvent jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se tiennent à la main, ils sont tellement beaucoup, ils n'ont pas de téléphone et ils sont tellement nombreux, les Indiens qui sont. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'était vrai. Encore 0-0. Oui. Oh, allez, une petite dernière pour terminer, parce que c'est bon. Ça fait toute la semaine qu'on a attendu, on t'écoute. Alors là, c'est dans un village de l'Uttar Pradesh, une fille toxicomane de 13 ans qui s'est faite violer par un homme qui l'a tirée en lui proposant de la drogue. Et en fait, quelques jours plus tard, elle a trouvé le fils de ce violeur et elle l'a enlevé. C'était un petit qui était âgé de 5 ans. Et elle l'a décapité, elle a brûlé son corps et elle l'a caché sous des briques. Elle a été arrêtée à la police et il y aura 2 procès, un pour le meurtre et un pour le viol. Attends, elle a tué le mec? Elle a récupéré le fils de son violeur qui avait 5 ans. Elle en a 13, elle l'a décapité, elle l'a brûlé et elle l'a caché sous un tas de briques. D'accord. C'était quand ça? C'était le 27 octobre 2013. 27 octobre 2013 et lui il a violé cette meuf, le père. Et le père du petit qui est mort, oui, il a violé la... C'est vengé. Elle a tué le fils. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Pour terminer, Andoni, allez. Faux. La meuf qui... Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, mon Guillaume, tu m'en fais une bonne. Ah ouais, allez. Bon allez, je vais essayer de marquer un point et je vais dire vrai. Allez. Tu vas dire vrai. Julia. Si c'est inventé, c'est un truc d'ouf, je vais dire vrai. Vrai, Julien Stagiaire. Non, c'est faux, il l'a inventé, il y a trop de trucs. La vengeance, elle tue le mec, l'enfant, enfin. J'aime du sang d'art. Ouais, faux, il a inventé. Faux, moi aussi je dirais ça faux. Ça sent qu'il a inventé. Et la réponse est. Vrai. Premier point de Guillaume. Guillaume ce soir, félicitations. Merci. Eh ben voilà, bravo à toi mon Guillaume. 1 point contre 4 points pour 4 Anthony. Bien joué. Anthony, tu veux faire une dédicace, le grand gagnant de ce soir là? Bravo Anthony, ouais. Bah ouais. Vas-y, on t'écoute. C'est Anthony avec un D, comme Andoni. Ah, Andoni, Andoni. On t'écoute, Andoni. Dédicace à mon meilleur pote Kepa qui m'écoute sûrement et à mon ami Johan. Et à toute la 3ème C de l'Argentée. Eh ben salut la 3ème C, l'Argentée, pas de problème. Gros bisous. T'es en quelle classe toi, Anthony là? En 3ème. Et en quelle heure t'as cours demain là?

de 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez à l'antenne avec Tom qui est à 21 ans de Paris et d'abord le juste prix. Bonsoir le juste prix, bonsoir à vous. Bonsoir. Au fil de, je vais vous dire un chiffre, il faut le retrouver. Le premier qui le retrouve, on vous offre une PS4, une Xbox One S. Quelle est la différence d'une Xbox One S avec une Xbox normale? Flo des cadeaux. Alors elle est plus fine, elle est plus puissante. Il y a une nouvelle manette et maintenant c'est la première console qui lit les Blu-ray Ultra HD. Voilà, Ultra HD. Ouais, c'est ouf. Carrément. C'est quoi, norme. C'est 4K genre, non? C'est quoi? Ouais, c'est la nouvelle norme de Blu-ray en fait. Putain, c'est ouf. Et voilà. Donc c'est la première console qui la première avant Sony. Ouais. Et donc les Xbox One S, les nouvelles, elles coûtent cher. Ouais. On vous les file maintenant là. Il y a les PS4 normales aussi, les PS4 de base qu'on vous offre aussi. Les tablettes Samsung Galaxy Tab E si vous préférez. Il y aura des iPhone 7 après. Ouais. Et là, c'est un jeu de rapidité. On le fait rarement hein, ce jeu. Mais ils étaient hyper nombreux à nous demander de le refaire. Donc allez-y, vous envoyez Guillaume et le chiffre qu'on cherche avec votre numéro dedans au 6-11-12. Guillaume avec un chiffre au 6-11-12. Vous mettez bien votre numéro. Hein. Par exemple, Guillaume, un espace 18. Un espace 0668, vous mettez votre numéro de téléphone et vous me le balancez au 6-11-12. Voilà, on fait ça exceptionnellement ce soir. On essaye de trouver un chiffre qui n'a pas forcément de rapport avec l'actualité. Hein, ce qu'on va vous demander dans deux secondes. Guillaume et un chiffre au 6-11-12. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est 500? Attends, 129 d'abord, c'est plus que 129. Merde, j'ai écrit partout sur mes feuilles. Ah putain, là aussi, attends. 129, c'est plus que 129. 550. Salut à toi, frérot. 06 58 08 53. Eh ben, c'est moins que 550. Qu'est-ce que ça peut être alors? On cherche un chiffre entre 550 et 129. Est-ce que ça serait 399? C'est plus que 399. Allez-y, il y a des Xbox One S, les gars. Et dans deux jours, vous avez une nouvelle console. C'est vraiment facile, vous pouvez gagner. Il faut juste être le plus rapide. Concentrez-vous chez vous. Prenez votre portable. Vous le balancez au bon moment le message. Vous allez voir. Là, il y a une chance sur 151 de gagner. C'est énorme, les gars. Pour un jeu, c'est énorme. Vous envoyez Guillaume et un chiffre entre 399 et 550. Il y en a un qui dit 400 piles. C'est plus que 400. Ah, bonne chance. Entre 400 et 550. Voilà. Est-ce que ça serait 450? Salut à toi. C'est plus que 450. Il y a une chance sur 100 de gagner. C'est du délire. Non mais vraiment. Non mais je vous le dis. C'est-à-dire qu'un truc à la radio, avec une chance sur 100, c'est hallucinant. Genre, tu joues à la Skyrocket, t'as peut-être une chance sur 1 million de gagner. Tu joues au loto, t'as une chance sur 13 milliards de gagner. Alors que là... Là, c'est une chance sur 100 de gagner. C'est donné, les mecs. Franchement, c'est donné. C'est livré. C'est déjà livré. C'est déjà dans le Colissimo, le truc. Et Flo des cadeaux, il le livre demain matin. Ouais. Je veux dire, c'est, voilà, ça part hyper vite. Guillaume est la bonne réponse. Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro au 6-11-12. Est-ce que ça serait 476? C'est plus que 476. Entre 476 et 550. Est-ce que ça serait 545? C'est moins que 545. Salut Fredo. Salut Fredo. Salut. C'est moins que 545, mon Fredo. Est-ce que ça serait 500? C'est plus que 500. Ah. Vous avez une putain de chance sur 50 de gagner à ce putain de jeu pour gagner cette putain de console. Xbox One S, une PS4. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau, Flo, des cadeaux, là? Une Xbox One S. Ah. Bravo, c'est bien joué. Des cadeaux. Je voulais juste voir si elle est arrivée à lire. Je suis arrivé. Qu'est-ce que ça peut être, alors? Entre 500 et 545. Une chance sur 545. Guillaume est le bon chiffre au 6-11-12. Est-ce que ça serait 516? C'est plus que 516. Et une chance sur 30. Hein. Guillaume est le mot au 6-11-12. Est-ce que ça serait 522? C'est plus que 522. Salut à toi, ton message. Entre 522 et 545. On cherche un chiffre. Est-ce que ça serait 531? C'est plus que 531. Ah. On est entre 531 et 545. Une chance sur 14. Ça sera un jeu de rapidité à la seconde près. Balancez maintenant Guillaume et le bon chiffre au 6-11-12. On cherche un chiffre donc du coup, réfléchissez bien, entre 531 et 545. Guillaume est la bonne réponse au 6-11-12. Est-ce que ça serait 535? C'est plus que 535. Putain, ça va être rapide. Une chance sur 10. 535, 545. Il me faut un chiffre. Il me faut un chiffre entre les deux. Voilà, c'est histoire de gagner rapidos là. Rapidement, ouais. Le cadeau ce soir, il y a non seulement des Xbox One S, des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez bien. Un bon chiffre, c'est du cul, hein, c'est du hasard. Hein. Est-ce que ça serait 539? C'est plus que 539. Salut ton message là. Une chance sur 6. Guillaume est la bonne réponse au 6, 11, 12. Une chance sur 6. Entre 539 et 545. Si vous allez entendre le chiffre que je dis et que c'est le bon, vous allez peut-être gagner, les gars. Je vais l'envoyer maintenant. Guillaume et la bonne réponse au 612. Entre 539 et 545. 543, c'est moins que 543. Putain, le stress, quoi. Non, c'est moins que 543 et c'est plus que 539. Voilà, c'est entre les deux. Hein. 539, 543. La réponse... Il y en a qui disent 539. C'est plus que 539 et moins que 543. 542, c'est moins. Salut à toi, je vois ton message. Salut. On est en dessous de 542 et on est plus que 539. Guillaume est le bon chiffre au 612. Est-ce que ça serait 540? C'est une bonne réponse. Bravo, te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que tu tout le monde, pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Allez, 522. Et encore une bougie de soufflé. Et encore une année passée. Et encore une bougie de soufflé. Et encore une année passée. Voilà, c'était donc 540. Si vous avez envoyé 540, ça va être le premier qui a envoyé 540. Venez pas me dire, Guillaume, tu fais chier, t'es un mytho, tout ça. C'est que c'est arrivé une seconde avant vous. On va prendre le logiciel, Julia, si tu veux bien. Bien sûr. Nous sortir le numéro qui est arrivé pile poil big up, le big premier up, big up. Avec 540. Je vous appelle. Et une nouvelle console Xbox One S à gagner. Et les PS4 et les tablettes Samsung Galaxy Tab E avant de parler de Fion, de Fist. Ah, c'est bien jeu des autres. Cool. Par contre, faut que ça réponde. Si ça répond pas, par contre, c'est foutu. Allô ? Malheureusement, ça ne répond pas pour l'instant. Et non, hélas. Allô ? Allô ? Dès que oui. Ça va répondu, on vous offre une Xbox One S ou une PS4. Ça a sonné ou pas ? Je crois entendre un animal. Allô ? J'ai mis un chien, oui. Une truite. Non, allô, tu m'entends? Allô? Tu m'entends, oui. Chérie? C'est moi, c'est Guillaume, ça va oui. Ou quoi? Ah, trop bien! Ça va? Oui, ça va? Ah, putain, depuis le temps ça que va, je joue! Ouais, ça va, nickel! Et enchanté, hein. Et content de faire ta quiz! Bravo! Ah, ouais. Bienvenue! Ouais. C'est quoi ton petit bah, nom? Ton petit nom? Carole! Carole! Salut, Carole! Merci! Non, mais dans la roche! Attends, Carole, de quelle ville? Comment ? Carole de quelle ville ? De Saint-Mexant-l'École, à côté de Niort. D'accord, ok. Le 7-9, et ben, de Sèvres. Ben, salut oui. Salut aux deux Sèvres. Travaille dans quoi, toi, Carole ? T'as quel âge ? J'ai 27 ans et ouais. Je suis maman au foyer. Maman au foyer. Maman de combien ? Deux enfants. Deux enfants, très un bien. Un beau métier. Bravo. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et tu les as allaités avec tes seins ou avec du biberon ? Non, au biberon. Non, mais c'est une vraie question. Ah, oui. Tu jures, j'entends parler de ça partout, là. Du bon lait, là. Je te jure. Naturel. J'ai l'impression. Au biberon. Ouais, je te jure. Okay, ouais. Très bien. Au biberon, ouais. Et pas au sein, t'as oui. Pas donné le nichon, du tout ? Non, du tout. Ah, pourquoi t'avais peur que ça pendouille après ? Non, parce que c'est un choix personnel. Ça sert à ça. Non, mais je me suis toujours demandé, c'est quoi le choix ? Ouais, c'est ça, c'est que ça allume les nichons, non ? Ouais, t'en fous des nichons après. Bah ouais, mais si. Ah, ouais, j'avoue, c'est une femme. Non, mais c'est ça, non, c'est parce qu'après, vous avez pas, les seins ils tombent pas plus quand t'as des enfants après. C'est moins ferme, Carole. Les seins. Ouais. Si, quand même un peu. Ah, c'est ça le choix personnel. Ah, bah ouais. C'est rester ouais. Avec des gros. Donc il y a beaucoup de lait quand même hein, dans le sein. Julia, non, bah oui, c'est ça, c'est que l'enfant mord en fait les tétons et tout, donc ça peut faire des déformations quoi. Ah ça, ouais, ça te tord le téton. Ah, ouais. Ah, ouais. Après, il sait qu'il voulait. Après, c'est hyper naturel pour l'enfant et tout, mais bon, il y a des équivalents de lait aujourd'hui. Ouais. Moi, je donnerais le sein comme si j'étais une femme. Ouais, je pense que si tu fais un enfant, c'est important quoi. Je vais stagiaire par exemple. Moi, je donnerais le sein aussi, moi. Il a bu que du lait de vache. De quoi, genre il avait une vache dans son jardin, il avait quoi. J'avais habité en maison. Et depuis, il fait que des bruits d'animaux. Non, mais sûr que c'est pas. Non, mais attends, n'empêche, je suis sûr que c'est moins bon. Le lait maternel. Bah oui. Il y a rien de mieux que le lait de ta mère. Bah oui. C'est pour ça qu'ils ont du lait. Mais tu têtes ta mère quand même, c'est chelou. Hein. Ouais, en vrai. En vrai, c'est vrai. Le téton que la morale est moyenne. C'est celui de ta mère. Non, mais c'est ce qu'il faut se dire. Déjà, tu sors d'un endroit bizarre, tu têtes ta mère. C'est la vie. On va pas commencer à se. Non, mais quand j'y repense, moi, ça me fait. Je sens que je l'ai pris. Ce soir, je crois que je suis. Mais n'empêche, c'est un peu malsain. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est grave malsain. Non, mais n'empêche, t'as touché la chatte à ta mère. Ah, bah en oui, premier, avec et après, l'oreille. Ouais. Et c'est les premières chattes que t'as vues et le premier téton. C'est un fist à l'envers. C'est un gros truc. Tu sors et tu rentres. Merci, je sais. Merci. nuit. J'ai entendu des trucs dans cette émission. Ah ouais, non, mais faut en parler, c'est important. C'est X-Files ici. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais. Julia, toi, tu t'aimes bien t'étais le téton un peu, ouais. Toi qui es bien un peu, t'aimes bien les seins ou c'est pas un truc qui t'excite? Oui, non, si, j'aime bien, ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai, ouais. Si, c'est hyper excitant. Tu mâchouilles grave et tout, ouais. Non, je m'excite. Est-ce que tu mordis? T'aimes te faire. Ouais, j'aime bien. C'est très érogène cette partie, ouais. Bien sûr, j'aime beaucoup. Érogène. Et t'as du lait devant, tu presses ou pas? Non, t'as jamais essayé de faire sortir un peu de lait? Bah si, mais jamais, on pourrait essayer. C'est que quand t'es enceinte que t'as du lait. Absolument pas. Pour faire un milkshake. Merci, JM du sondage. Mais alors là, c'était en dessous des radars. Flo des cadeaux. Il y en a qui en ont fait, ils ont fait des glaces au lait maternel. Ouais. J'avais mais, vu ça en plus. Mais c'est. Le mec il s'en sort, mais alors le mec. Non mais t'as pas honte, parfois j'ai me sens là. Il y a des fois quand tu les tends. Là vraiment, elle est en dessous de. Et encore, il y en a que je retiens, je te jure, elles veulent sortir de ma bouche. Ah ouais. Je me dis non, c'est pas possible. Oh, putain. Pas sur l'énergie quoi. On pourrait faire Bah vas-y, essaye. Hein. Ah ouais. Une liste de tous ceux qui sont pas passés. Ah ouais, on pourrait. Oh là là. Bon alors, donc en gros, Flo des cadeaux. Des glaces ou les maternelles. Ouais. Toi t'es très sain, Flo des cadeaux, t'aimes bien t'étais les tétons. J'aime bien les seins, ouais. Ouais. J'aime bien les seins bien faits, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas. Avant, j'aimais pas trop. Et plus je grandis, plus j'aime les seins. Ah ouais, là, même les seins. Non, avant, moi, je pouvais sortir avec une fille qui avait des petits seins. Ça me dérangeait pas, quoi. Pas des beaux profils. Mais d'ailleurs, je régulièrement, quand je sors avec des filles et tout, qu'elles ont pas des gros seins, souvent, mais c'est quand même agréable d'avoir dans la main. Ah oui, des mini boobs. Et ça m'attire le regard, moi. Ouais. Les seins, des beaux seins, ça m'attire le regard. C'est ce qu'on aime, nous. C'est vrai, il faut les cadeaux. C'est pas vraiment la taille, en fait. C'est s'ils sont bien faits. C'est pas l'architecte. C'est vrai, mais c'est tu peux avoir des gros seins pas beaux et c'est pas génial. Ouais. Autant en avoir des moyens bien faits que des gros. Oui, mais après tu choisis pas, c'est pas un truc que t'achètes. Hein. Oui. Non, mais ça en avoir. Ça peut déterminer. Et de quoi? Bah ta copine ou pas. Je sais qu'il y a des potes à moi qui ont flaqué leur meuf parce qu'ils avaient pas des beaux seins. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Bah, t'en fous des seins. Les bouchers, hein, les bouchers de la boule. Grave. Je viens de dire toi donc toi t'es sain, t'es nichon toi. Ouais, j'aime bien les seins, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est les faux seins. Ah. C'est un regret que j'ai. Ah. Ah, c'est pas très beau. Taper les. Si, il y a des très très. Parce que c'est bien ferme, hein, tu les tiens bien en main, quand même, je pense. C'est bien. N'importe quoi, je fais des cadeaux. Il y a plein de filles qui ont des faux seins, c'est très beau. Ouais. Ouais. C'est parce que t'es jamais tombé dessus, faux des cadeaux. Bien sûr, déjà, il n'est pas tombé sur les. Non, mais attends. Tu sais qu'il y a des filles qui sont extrêmement bien faites de faux seins. Il y a des faux seins extrêmement bien faits. Bah, justement. Tu ne peux pas deviner le faux sein. Ah bon? Bien sûr. J'ai eu besoin, t'as déjà pris les faux seins? Ouais, deux, trois fois. Et alors? Ah, c'est bien quand même. Ah, c'est vrai, franchement, c'est bien. C'est ferme et tout. Ah, tu préfères? Ah, tu préfères le faux sein? Ah, c'est quand même bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Même dans les films, c'est après. C'est plus gros, quoi. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut. Ouais. Si c'est bien ça dépend, il y a des gros seins. Bah oui, c'est pour ça, il y en a, c'est trop. Mais si c'est bien fait. Bon, bref, Carole, 27 ans. Hein, à côté de Mire, hein, qui était quand même là pour gagner un cadeau. Ouais. On va faire tourner la roue des cadeaux, justement, Chérie, d'accord? On va voir sur quoi tu tombes. Alors, toi, qu'est-ce que t'aimerais le plus entre une tablette, une PS4 et une Xbox One S? On va voir sur quoi on tombe. Bah, l'Xbox One, c'est la seule que j'ai pas. Ah, t'as déjà la PS4? Oui, j'ai déjà. Ah, d'accord. Putain, t'as déjà la. Et t'as quoi d'autre aussi? T'as la tablette aussi, Samsung? Ouais, j'ai une tablette Samsung. Ah ouais, d'accord. Putain, t'as déjà tout, quoi. Bon, bah très bien. Bon, on fait tourner. JM Dussard, je vais te demander de prendre de toutes tes forces. Allez. La petite roulotte. La petite roulotte. Ça fait combien de temps que t'écoutes l'émission, Carole? Ça fait 2 ans. Ah ouais? À peu près. Très bien. Ouais. T'écoutes le soir comme ça quand t'as l'aide? Ouais, non, mais j'ai l'aide depuis ma fille a 4 ans et mon fils 2 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ton mari, il a déjà essayé de boire du lait de tes seins quand il a tété ou pas, non? Non. Non, c'est vrai. Ah, non, tu devrais essayer. Oui. En fait, quand tu donnes ta le sein à la maternité, ils te donnent des cachets pour éviter les montées de lait, justement. Ah ouais. Ah, ça coule sinon? Pourquoi? Ah ouais, ça sort. C'est vrai? Oh putain. T'as la piscine, t'as du lait qui sort. Ah ouais, putain. Merde. Mais ça fait quoi? Ça fait genre une petite giclette le matin et tout? Genre t'as des trucs de blanc? Sur ton mari le matin. Bah, faut mettre du coton dans le soutien-gorge, sinon ça fuite, quoi. D'accord, ouais, putain. Bizarre. Je sais pas. Putain. Et bah donc t'as pas eu de montée de lait, quoi. Est-ce que les filles goûtent leur lait quand elles sont enceintes? Bah oui. Est-ce que tu fais un jet dans ta bouche? Bah oui. C'est un peu comme goûter son sperme, non, quand même? Non, c'est du lait. Ça sort de ton corps. Ah ouais, c'est. Ah, je suis pas d'accord, c'est du lait. Non, franchement, ça fait un peu du. J'ai déjà, t'as déjà goûté ta merde entre nous? Non, mais attends. Alors, on peut parler sérieusement de toi qui parle d'odeur. Oui, il n'y a pas de souci. Le pipi. Oui, pipi, ouais, une goutte sur le doigt. Oui, mais ça, c'est un goût de fer comme le sang. Comme le sang, c'est un peu pareil. C'est juste le doigt quand il fait. Non, quand même pas. Les urinoirs. Il se met le doigt dans le cuisse, les lèches. Oh, dans la glace. Oh, en écoutant du Black Eyed Peas. Non, et alors, la merde, jamais? Jamais. T'as jamais mis ton doigt dans du caca et léché? Mais genre, personne le fait, ça. Ah, je suis sûr que. Bah, je suis certain. Déjà ici, dans l'émission, on personne. J'ai vu un mec qui s'était branlé en se mettant de la caca dans les cheveux. Ouais. Ah ouais, mais bon, c'est des gens rares. elle était bénéfique pour la mère aussi, ça diminue le risque de cancer du sein. Merci beaucoup. Ah bah ouais. Allez, ton. J'adore les gros seins et les prendre en pleine bouche, Greg de Metz. Salut, Greg. Mieux des petits fermes que des gros qui pendent. Salut, Guillaume, le fils de Julien sera directement prêt pour les jeux. Non, les gars. Ah, mais bien, quel ça. Bouffon, ce Julien sort de chez toi à point la vie, Godman, le routier barbu. Salut, bah. Moi, j'allais, ils sont très beaux. Il n'y a aucun équivalent. C'est qu'il ne faut pas entendre. Là, merci beaucoup. J'aime du sonar. Ouais. On parlait de quoi avant, juste de merde, goûter la merde. Goûter la merde. Ouais. Tu l'as déjà fait. Est-ce que t'as déjà goûté ta merde aussi? Surtout pas. Jamais. Tu as déjà vu une vidéo de mec qui a essayé. T'as mis toi, je sais pas pourquoi tu regardes ces vidéos-là. Ouais. Et en fait, le mec, il a gerbé direct. Bah c'est normal, c'est du caca. Ouais. Mais rien qu'à l'odeur, en fait, il a même pas eu le temps à mettre en bouche. Ouais. Mais il paraît qu'en fait, ça a pas du tout le goût de son odeur. En fait, c'est un peu. Mais les vidéos sont marrantes. Mais en fait, c'est l'odeur. Non, c'est quelqu'un qui l'avait dit ici, je me rappelle pas. Je savais pas du tout le goût de son odeur. Ça dépend quelle merde ça. Non, c'était un pervers qu'on avait appelé. Pardon, je comprends. On a déjà eu des pervers qui mangent le caca. Ça, je comprends pas le caca. Si c'est une coulante, c'est quoi? Je comprends pas. Il y a plein de trucs que j'accepte et que je peux comprendre qu'on puisse aimer et tout, mais c'est vrai que le caca, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu t'excites à te dire tiens, je vais prendre ce qui sort de mon trou. Il y a même des films. Et ouais, ouais. Ah oui, Julia, t'as déjà goûté ta merde? Jamais. Attends, Bibi? Non, non plus. Non plus. Vraiment des cadeaux? Ah ouais, non, mais. Pas ma merde, mais mon pipi, ouais. Quand j'étais petit, j'avais pissé dans un gobelet et j'avais bu. Ouais. Du sec. Ah ouais, quand même, un gobelet. Ah, ouais. Un mec qui se fait une vraie tombe. Ah ouais, dans un matin balle. Il se fait un vrai coup de pisse, quoi. J'ai stagiaire, il pisse dans un coin de toilette et il. Non. Oh. J'ai déjà mangé du caca avec mon histoire. Ça va. C'est dégueulasse, ça. Arrêtez. Ah, mais à un moment donné. C'est de la fainéantise de pas être. Moi, le truc que j'ai, que j'ai jamais utilisé, c'est le pouvoir de savoir fermer ma gueule quand il faut, c'est les JM du standard. Ah. On se fait Charlie Puth. On s'est pas fait encore, si? Non, pas encore. J'ai un doute là. Non. Avec Selena Gomez dans We Don't Talk Anymore. On s'est pas fait beaucoup de morceaux ce soir. Non, pas grand chose, non. Deux. Et ben voilà. Et on a pas donné le cadeau. Et on a pas donné le cadeau. Ah ouais. On fait tourner la roue des cadeaux. Vas-y, Charlie Puth. Allez. Pour Carole qui a gagné ce soir, qui a envoyé 540. Et je vais vous dire ce que c'est, 540 d'ailleurs. Et le cadeau, c'est. Une tablette Samsung Galaxy Tab E. Eh ben c'est la tablette qui tombe ce soir. Bravo. Pour la chérie, pour Carole et bravo. 500 boules. Attends, et 540, c'est le nombre de minutes en moyenne dans la vie d'un homme qu'il passe à jouir. Voilà. Wow. Quoi? On jouit 540 ça minutes. Fait 9 euros. Donc ça fait 540 divisé par 60 égale ça fait 9 heures, figurez-vous. JM du standard n'a pas dit une connerie. Bien fait de ne pas fermer sa gueule pour une fois. 540, 9 heures dans sa vie, on ne sait pas beaucoup. Non, ça me paraît pas. Ah, ouais. Ah mais après nous on jouit ça dure 2 secondes. Ouais ça dure pas longtemps. Ouais, donc, une gueule de quand con, même pendant 9 heures on est là. Ah ouais. C'est quand même beaucoup de fatigue quand tu penses. Hein. Après pour jouer stagiaire ça s'augmente à 13 heures. Non. Puisque c'est de la branlette. Ouais. Et la branlette ça, monde, ça dure plus longtemps. Non. On va faire le. On avait dit le jeu des hôtels juste après. Ouais. J'ai mis une vidéo énorme hein, si vous avez 2 minutes sur mon Facebook pour venir liker la page, les gars, c'est Guillaume Play, P-L-E-Y. Une vidéo de poulet qui prend un cochon. Tout ça en jouet forcément avec des petits sons derrière. C'est énorme si vous avez 2 secondes. Allez mater, vous allez rigoler. Guillaume Play, P-L-E-Y. On est 1 951 000. Je t'embrasse, ma Carole. Je t'envoie le cadeau demain matin, d'accord? Merci. Félicitations, ma chérie. Gros bisous. On parle de cul et jeu des hôtels juste après ça en direct. Merci, les gars, d'être avec nous. Bon courage pour les cours, pour le boulot. Merci de faire de cette émission la plus grosse de France. C'est, on l'a fait entre potes de manière artisanale et merci d'être là hyper nombreux. Ça fait trop plaisir, les mecs. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Every now and then I think you might want me to come show up at your door. you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. Allez sur Énergie, Charlie Puth, on se fera Charlie Puth, Selena Gomez, on se le fera demain, c'est des chiens. We Don't Talk Anymore, gros hit actuel là. Juste après, on se fait le jeu des hôtels, vous bougez pas, dans 30 secondes, on se retrouve sur Énergie. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Lucie de la Guerche sur le bois dans le Cher. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et bim. Et voilà Lucie, c'est fait. Oh super, merci. C'est super. Chaque mois, tu touches 1195 €. Je vais le doubler. Ça va faire pour toi 2390 €. Oh, super. Je suis trop contente. C'est génial. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95 €. Et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95 €. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Maximum conseillé, sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Énergie, it's music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des élites partout en France dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et point de vente habituel. Kinvé, en concert. Dans un monde meilleur. Un événement énergie. Hit Music Only. Dial au 62070. Vos plus belles rencontres par SMS. C'est un vrai portail de rencontres, sans engagement. Utilisable de mon téléphone, sans connexion internet et à tout moment. Envoyez par SMS Dial au 62070 et découvrez que tout cela est possible. Des milliers de profils qui vous correspondent. Dial, D-I-A. L au 62070. Dial au 62070. 50 centimes plus prix du SMS et énergie. Bonjour à tous, c'est Evelyne Thomas. Retrouvez-moi pour une nouvelle saison inédite de C'est mon choix. Humour, défis, émotions, personnalité décomplexée et caractère bien trempé. C'est mon choix du lundi au vendredi à 17h sur Chéri 25. Il n'y a que deux choses à retenir. 22h, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour, et avec Tom qui était avec nous là de Paris. Bonsoir Tom, le Parisien. Je sais pas d'où il vient. Ça va ou quoi Tom, tu m'entends? Oui. Ça va, tranquille, de ça où va, et, va, t'es où à Paris toi Tom? J'habite 18ème. 18ème. Égal, tout ça. Ok, vas-y, on le chantait. Merci d'appeler en tout cas Tom, t'as 21 ans, on ne posera pas trop de questions. C'est une connerie ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai? Oula. T'es où exactement à Pigalle? C'est quoi ton arrêt de métro? Pigalle. Pigalle, très bien. Tu travailles dans quoi toi, Tom? Dans la photographie. Dans la photographie. Mais c'est pas toi qui es passé l'autre jour où il y avait des gens qui rigolaient derrière toi du 18ème déjà? Si. Voilà. Et tu t'appelais pas? C'est moi. Voilà. Mais, exactement. Et là, t'es de retour avec tes potes derrière. Je sens la couille. Tu t'appelais Loïc ou hein? C'est pas Tom? Non, il y a personne. Non. Il y a personne avec moi. Je suis tout seul. Je t'avais même pas fait passer parce que je te disais que je sentais que c'était de la boule. Ouais, je sais. Non, mais je te comprends après. Mais là, vraiment, non, c'est une vraie histoire. Ça s'est vraiment passé. Tout est vrai. Ouais, mais pourtant, tu vas raconter une histoire de cul avec 50 potes derrière qui rigolent l'autre fois. Non, il y avait un pote qui a gueulé parce qu'il est con et c'est il tout. Il rigole fort. Hein. Ouais. Bon, vas-y, explique alors. Bah alors. J'ai rencontré une fille en soirée il y a 2 ans. Donc on passe la soirée ensemble. On décide de finir la soirée sur la plage au bord d'un lac. Et donc là on commence à se chauffer, tout ça. Et il y a un moment elle me dit mets-moi un doigt dans le cul. Ouais. Donc bon je lui mets un doigt dans le cul. Et puis bon voilà on continue tout ça. Et puis elle me demande un deuxième puis un troisième. Puis il y a un moment j'avais déjà les 4 dans le cul quoi. Et elle me dit ben mets la main. Donc bon, moi je mets la main du coup, enfin je mets le poing entier. Et le problème c'est que quand j'ai voulu l'enlever, là ça a commencé à forcer et à faire un peu ses ventouses. Ouais. Et du coup, ben une fois qu'on a essayé d'enlever le poing en fait de son cul, ben